des gens qui parlent, des gens qui butent, des gens qui demandent commerçants, entreprises, voilà. Des gens beaucoup qui parlent de fil d'attente, voilà. C'est un cas. Et les gens qui parlent en remontant cette vie-là, qui est assez passionnante. Il y a des gens qui parlent de tout. Musique, voilà. Par contre, la pirogue, c'est vrai que c'est très agréable l'été, ce petit jardinier, c'est le top quoi. Sauf que ça bouge à l'intérieur. Oui, on sent la différence, c'est quand même un petit peu en retrait. Même si on entend les maraîchers quand ils déballent ou voilà, avec leur diable, mais c'est quand même un coin privilégié quoi. Surtout le matin, nous, qu'on fait le marché en plus, le bruit, ça va être plus le bruit des voitures, le bruit des camions. Ça va être ça, hein. C'est vrai qu'on n'entend pas les petits oiseaux sur cette place. Hein. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup du tout. C'est sympa, on a l'impression d'être dans un petit village, là où là-bas aussi, le petit square là-bas, c'est entre les immeubles, c'est sympa. Ce qu'on va avoir dans les oreilles, c'est qu'on n'entend plus, enfin pour moi, hein, c'est qu'on n'entend plus les voitures. Et on entend uniquement les gens qui se parlent, les gens de... Enfin voilà, c'est totalement plus de voitures. On a l'impression, vu qu'en plus derrière, ils ont tout coupé, les voitures ne rentrent pas. Donc c'est vrai que c'est sympa. Hein. Voilà, on entend juste les gens discuter, on entend le petit brouhaha des gens et sans véhicule. C'est d'un coup, je suis à peine 20 mètres de là où je travaille, où d'habitude on entend les voitures, les camions déchargés et tout. Et ils font une animation et là, d'un coup, on n'entend plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'au bout d'un moment, on se dit, tiens, c'est... Il se passe un truc. Contrairement à d'habitude où on est de l'autre côté où on a l'impression vraiment d'être plus en ville quoi. Au début de la place c'est assez calme, j'entends pas beaucoup de bruit sauf s'il y a des voitures qui passent. Et au fur et à mesure de la place le son il s'intensifie surtout au milieu, surtout en fin de place parce qu'il y a de plus en plus de commerçants. Et au bout c'est beaucoup plus intensifié à cause des voitures qui passent énormément. Et c'est de nouveau calme après quand on passe dans les petites rues et... Donc ça fait un peu comme des montagnes russes quoi. On finit par repérer des petits spots soit un peu en hauteur ou excentrés de la ville et ça fait du bien un peu de calme ou même de s'isoler des gens et de la vie sociale. Il englobe mais pas négativement parce qu'il reste assez éloigné. Enfin il n'entre pas dans mon espace personnel entre guillemets si je puis dire. C'est vraiment juste il m'englobe dans une ambiance de marché, c'est pas dérangeant. On n'entend rien, c'est calme le matin ouais. Jusqu'à 7h, 8h, c'est calme. L'été, on entend les abeilles qui viennent vers les fruits, tout ça. Quand on balance tout à 1 € le kilo, bah forcément, ça crie, de 10h à 13h, un truc comme ça. C'est nous qui faisons du bruit, quoi. Dans la semaine, il fait pas beaucoup de bruit, ce marché, parce que il est pas très important, mais le samedi et le dimanche, oui. Voilà, et moi ce que j'aime dans ce quartier, c'est qu'on entend beaucoup de langues différentes. D'accord. Alors, c'est des langues que je ne comprends pas, mais ça fait comme une musique, voilà. En remontant cette avenue-là, qui est l'avenue Jeanne d'Arc, donc, qui est assez passante, hein, là il y a des bruits de voitures, mais pas trop finalement. C'est pas un quartier où la circulation est intense, hein, c'est... voilà. Vous voyez, il y a des vélos par exemple qui passent, les vélos c'est silencieux. Vu que je passe tous les matins prendre le pain à la boulangerie, il y a les petites discussions dans la boulangerie. Et je croise souvent des gens que je connais, donc c'est « salut, ça va, tu viens manger, tu viens boire le café ». Je salue les commerçants que je croise. Et après j'arrive ici et je salue les gens que je croise, les bénévoles, les clients, les salariés. Et puis il y a aussi les bruits du marché qui sont plutôt tranquilles en semaine et qui bougent plus le dimanche. Et puis c'est plus souvent l'été, on entend les commerçants ranger à la fin du marché puisqu'on est en terrasse. Et ben moi je vais réparer mon vélo de temps en temps à l'atelier La Bicyclette qui est sur la place Charpin, là les bâtiments dont tu parles. Je connais un petit peu les personnes aussi, donc voilà, ça tchatche de la météo, de vélo, tout ça. Et de temps en temps, je traverse la rue parce qu'il y a aussi des ateliers ou des événements qui sont proposés par le collectif voisin et le grand collectif, qui sont deux collectifs qui se sont installés il y a un an à peu près. Et donc là, c'est un peu plus festif. De temps en temps, on entend quand même des voitures qui brûlent. Il y a un chien qui hurle pas mal depuis quelques temps, depuis son balcon. Je la trouve plutôt calme en semaine, bruyante avec le marché le week-end. Et la nuit, des fois, il y a des gens qui se ramènent avec les voitures, qui mettent un peu de son dans les voitures. Je pense que c'est un peu la parole qui fait mes journées, parce que je pense que ce qui me plaît dans mes journées, c'est mes interactions avec les autres. Je crois le marché, parce que c'est là où j'entends plein de bribes du quotidien des personnes qui habitent le quartier. Et c'est là aussi où on se passe un petit peu les mots, où on se raconte ce qui se passe...